demande à MALS. C'est organisé pour que tu finisses sous ma couette. Tu m'as trahi en plein dans mes bails. Moi je te dis simplement, j'étais ça. À ce gars en qui j'avais confiance, à cette meuf que je kiffais en toute méfiance. Le dos tourné, je vous prends la main dans le sac. Moi je vous dis à vous deux, je vous sape. Ça dit ceci, ça dit cela, ça dit ami. Allez casse-toi. Dans ces ambiances, moi je me taille. Je prends mes affaires et de suite je vous sape. Laisse-moi briller ton mental, tu de douce douleur. Devant tous honnêtes et derrière tous voleurs. Dis-leur que je pars sur le speaker. Que je regarde sous cette race que je porte dans mon cœur. Parce que t'as voulu me la faire à l'enfer. Tu m'as déçu, j'ai de la haine dans mon cœur. Tu resteras une épave. Moi je te dis simplement, je te sers. T'as voulu me la faire à l'enfer. Tu m'as déçu, j'ai de la haine dans mon cœur. Tu resteras une épave. Moi je te dis simplement, je te sers. Y'a cette femme qui me crape ma cote. À ce temps-ci, je suis à sec, t'es déçu ma cocotte. Passé monde dans mon métro style. T'es pas content, tu m'en fous, je te sape. À fond, tu croyais pas mon potentiel. Tu disais que mon rap avait cette odeur des aisselles. Maintenant, je suis dans les bacs. Tu reviens, c'est trop tard, je te sape. Une grosse amitié qui pèse lourd sur la balance. Sur toi, je comptais comme un chien, tu m'as balance. C'est dans les caves que finissent les programmes. Toi, tu marches, fais grave, je te fais. Laisse-moi briller ton mental, tu ne touches douleur. Devant tous honnêtes et derrière tous voleurs. Dis-leur que je pars sur le speaker. Que je retarde toutes les traces que je porte dans mon cœur. Parce que t'as voulu me la faire à l'enfer. Tu m'as déçu, j'ai de la haine dans mon cœur. Tu resteras une épave. Moi je te dis simplement, je te sers. T'as voulu me la faire à l'enfer. Tu m'as déçu, j'ai de la haine dans mon cœur. Tu resteras une épave. Moi je te dis simplement, je te sers. Je te zappe. Faut pas t'étonner. N'en peux plus pardonner. T'as jamais existé. Oh yeah. Trop bon, trop con, trop faible. Trop bête de tomber dans ton piège. J'suis dans le trou, c'est noir dans ma tête. J'suis un bonhomme, donc j'me relève. Pull up. J'te zappe. Faut pas t'étonner. N'en peux plus pardonner. T'as jamais existé. Mon baraka sur le but, écoute ça. T'as voulu me la faire à l'enfer. Tu m'as déçu, j'ai de la haine dans mon cœur. Tu resteras une épave. Moi je te dis simplement.